l'envers de la poussière blague courant d'air. Je ferai vite ces articles. Les vrais jure c'est moi le type qui sauvera le rap français où le talent est dysphérique. Mais je crois plus au rap en Dieu, les hommes semblent éliminés. Le Christ s'est fait clouer, Bouddha s'est fait fumer. Témoin du mal, je traîne, du moins j'étale mes peines. Mes mains sont sales et peines dans quand je rappe mes têtes. Puisson, voilà la délivrance attendue. J'ai juste besoin d'un mic, besoin d'une France à l'oreille tendue. C'est juste un 16, rien d'énorme chez vos semblables. Mais lâchez par la way, c'est du hors norme, je te le dis.